On mange, comme il y a 6000 ans, la bouillie d'avoine dans de grossières écuelles de bois et les galettes de sarrasin cuites sur la plaque de fonte qui a remplacé les pierres rougies au feu du temps du roi Gralon. Là se sont conservées aussi les vieilles traditions. Là, on se groupe autour de la pèlerine, colportant de ferme en ferme ses récits merveilleux, et jamais le conte n'est assez long au gré du naïf auditoire. Quel accueil vont rencontrer dans les milieux étrangers ces histoires qui semblent si bien à leur place au pays d'Armor. Souvent, l'héroïne d'un conte reçoit, en présent des fées, un coffret plein de bijoux, de perles et de diamants. Elle l'emporte en hâte pour faire partager sa joie à sa famille. On ouvre le coffret, on ne trouve au fond qu'un peu de cendre ou quelques feuilles sèches. C'est qu'elle a oublié un mot, un signe, un geste, dont le pouvoir magique lui assurait la possession de ses richesses, et cet oubli a suffi pour tout anéantir. Les fées du pays d'Armor m'ont donné aussi des perles et des diamants. Je vous les apporte, mes chers lecteurs. Puissais-je n'avoir rien oublié de ce qui peut charmer. Quimper, 25 août 1889.